veux que tu me laisses être cette nuit. Ton VIP, tout le monde qu'on fasse la fête. Ami, midi, moi oui. Baby, je veux que tu me laisses être cette nuit. Ton VIP, car tu sais, tu es la plus jolie. Aussi sexy. Girl, ce soir je sais ce que je veux, faut que tu me laisses. Je t'emmènerai, je te ferai monter au 7e ciel. Baby, tu es celle qui me donne des ailes. Je n'ai jamais trouvé pareil. Tu es mon rayon de soleil. Quand il fait nuit, tu brilles telle une étoile tellement déterrée. Viens, je ferai de toi ma reine. Oh yeah. Baby, je veux que tu me laisses être cette nuit. Ton VIP, tout le monde qu'on fasse la fête. Ami, midi, moi oui. Baby, je veux que tu me laisses être cette nuit. Ton VIP, car tu sais, tu es la plus jolie. Aussi sexy. Hey, maintenant tu sais, lady, ce que je veux être. Laisse-moi te guider, être baby ton VIP. Toute la nuit je te ferai apprécier car je serai dévoué à ce qui te plaît. Pour toi tu sais je remuerai sans hésiter si elle était. Tu es mon paradis sur terre, sans toi je ne peux plus rien faire. Lady, s'il te plaît, je veux que tu me laisses être cette nuit. Tout le monde qu'on fasse la fête. Ami, midi, moi oui. Baby, je veux que tu me laisses être cette nuit. Ton VIP, car tu sais, tu es la plus jolie. Aussi sexy. VIP ce soir pour t'assister. Girl, garde espoir, car je serai là si tu veux savoir. Pour t'assurer, là oui, tu peux me croire. Pour moi, tu es la seule et c'est pour toi que je resterai proie. À chaque fois, tu vois l'effet que tu me fais. Ça peut prendre des mois. Baby, je veux que tu me laisses être cette nuit. Ton VIP, tous les deux qu'on fasse la fête. Ami, midi, moi oui. Baby, je veux que tu me laisses être cette nuit. Ton VIP, car tu sais, tu es la plus jolie. Aussi sexy. Baby, je veux que tu me laisses être cette nuit.